cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna ams ma yata'allaq bit tawqit. Ay fil masah ala al-khuffayn. Ay la durée. On avait vu, on a le muqim, un jour et une nuit, un musafir, trois jours et trois nuits, hada ma'rouf, wadih. Wa ams, on a détaillé, mata yabda tawqit. Ma sahih? Al-Masah. Naam, min bidayat al-Masah. Lianna, c'est une ibadah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité les durées pour le Masah. Fa l'wadih, c'est que ça commence au début du premier Masah. Un jour pour le muqim et trois jours pour le voyageur. هذا أمس on a fait des tafsil et alhamdulillah c'est compris. On a vu une mas'ala كذلك importante et liée à la précédente, إذا انتهت مدة المس. Si le mudda est fini, est-ce qu'il perd le wudu? كذلك est-ce qu'il doit enlever le khufay قبل انتهاء المدة؟ تفضل. صحيح لا يقطع الطهارة. نعم الصحيح أنه si il a encore le khufay et la durée elle est finie, maintenant la durée d'un jour pour le résident, فالصحيح أنه لا شيء عليه. Si il a l'oudou, il a l'oudou. Lakin, il devrait faire attention à ماذا? Ce muslim qui a l'khufayn, il devrait faire attention à ماذا? في هذا الحال? Maintenant la durée 24 heures, elle finissait mardi au dhuhr. Il les avait mis lundi au dhuhr. Il avait fait le premier masah. Mardi au dhuhr, il a l'oudou et il a encore l'khufayn. La limite, elle passe. Il devra faire attention à ماذا هذا عندك. Il devra faire attention à l'Asr ou le Maghrib ou n'importe quelle autre salat. S'il a perdu l'Oudo, il ne fait plus le Masah. Il ne fait plus le Masah. Il enlève et il refait l'Oudo. C'est ça la différence. Amma, il a fini la durée, il est à la Oudo, ça ne change rien. Il fait salat, il a l'Oudo. Lakin, le prochain Oudo qu'il fera, il n'y a plus de Masah. Les Mahada, la durée, elle est finie. C'est ces deux Masah qu'on a vus. Et alhamdulillah, c'est واضح الآن. قال حفظه الله المسح على ظاهر الخفين. Ça c'est le kayfiyya. Après avoir vu الوقت التوقيت الآن الشيخ nous cite الكيفية. فالمسح على ظاهر الخفين. Au-dessus. حديث علي رضي الله عنه il a expliqué هذا. قال أخرج أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله. C'est pour ça qu'il a dit حديث, il a pas dit أثر, لأنه c'est un حديث. علي رضي الله عنه à la fin du أثر الآن يقول رأيت رسول الله, c'est un حديث مرفوع. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وهو حديث صحيح. أولا نستفيد من هذا الحديث أن الدين سبب مجرد العقل أو الرأي لا, والعلماء رحمهم الله يستدلون بهذا الحديث أن للتكست سبصم العقل. في الحقيقة العقل يكونتخدي بقى للتكست, العقل كي على الفطرة كي يكونتخدي بقى البدع والخرافات. Il ne contredira jamais les textes. Al-ulama yastadilloun bihada anna nusus al-sharia, elle passe avant tout, avant ton avis, avant ton aql. Si ton aql pense que ce n'est pas sawab, لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح. صحيح anna si tu fais passer ta réflexion avant les textes, tu pourras te poser cette question. Les ماذا? Al-Masah, on le fait au-dessus. A'la. A'la al-Khuf. Alors que, fil-haqiqa, quand tu marches, que ce soit avec des chaussettes ou al-Khuf ou autre, ce qui risque de te salir, c'est batin al-Khuf. C'est le dessous. Lakin Ali radiyallahu anhu min. C'est un alim min ulama al-Sahaba radiyallahu anhu. قال هكذا قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح. صحيح. Si tu poses la question à واحد qui connaît pas les textes مثلا et tu lui cites cette masala et tu lui dis c'est quoi qu'on doit essuyer à ton avis, le dessous ou le dessus, là chaque va dire le dessous. لكن الدين سبب الرأي. هذا c'est un hadith عظيم pour démontrer que les textes ça passe avant. النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour ça qu'Ali à la fin il a cité وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ. C'est ça, al-mizan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a dit au-dessus on fait au-dessus et on se pose pas de questions. Voilà où le khouf. En dessous t'as de la poussière, t'as des choses, tu fais au-dessus et tu laisses en dessous. Et il y a une hikma azima. On la connaît ou on la connaît pas, il y a une hikma azima. Il y en a cette sharia, elle est fondée sur la hikma. هذا سنة دليل عظيم في هذا الباب لأن بعض الناس الآن يفهم بس العقل أو الرأي أهو للتكست مثلا في السيت المسألة يتدي ما à notre époque mais aujourd'hui mais si on fait tout ça لأن يفهم بس son عقل et son رأي أهو للتكست حتى بعضهم أحيانا يكون بخبا علة الحكم أي pourquoi il y a tel jugement et كأنه ça lui met un ضيق أو ça l'empêche de faire une ibadah ou de délaisser un muharram. Pardon, maintenant ils disent, mais pourquoi cette chose est interdite? Mais pourquoi telle chose? Si tu connais pourquoi, tayyib. Mais si tu connais pas, y'a'lam qu'il y a une hikma. Tu la connais pas. Lakin, aham shay, c'est que t'appliques al-hukm al-shar'i. Et ça est un exemple. Il y a dans le hadith. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. Ça démontre que notre din, c'est pas بالرأي. Abadan. Il y en a un, t'as un avis, un deuxième, il a un avis. Et un troisième, il va avoir un autre avis. Si on revient à l'avis de chacun, on ne pourra plus trouver le haq. Ben, on s'égare. Min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala, ja'ala lana hadha ar-rasul uswatan wa qudwatan lil jami'. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Enfin, on revient tous à ce rasul. On a compris pourquoi ou on n'a pas compris. Si tu veux comprendre, fais des efforts. Ahyanan, tu auras du mal. Ahyanan, tu auras du mal. Ahyanan, robama, tu ne pourras pas trouver le hikma. Aham shay, c'est que tu obéis à ce professeur. Prends l'exemple kadhalik, Allah de Dullal, ils ont rejeté hadith al-Nabi sallam, bil-ra'i, aïe, la mouche ou l'insecte qui tombe dans la boisson. Al-Nabi sallam, il a démontré, tu plonges cet insecte dans la boisson. Il y en a dans une aile, il y a le mal ou la maladie, et dans l'autre aile, il y a l'ilaj, il y a le remède. Si cet insecte qui tombe dans ta boisson, tu ne sais pas est-ce que c'est l'aile ou qui a la maladie ou le remède. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a donné la solution. Tu trempes. Hatta les deux ailes, elles sont dans la boisson, il fallait chaque que ça ne te fera pas de mal. Qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi, comment, mais je vais faire rentrer cet insecte dans la boisson. N'a'oudou billah min al-inhiraf. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire forcément. Là, si ça te dégoûte, tu as du mal à boire ça. Verse ta boisson et bois une autre boisson. Là, lakin rejeter le hukm aslan, c'est min al-dhalal wal inhiraf. C'est min al-dhalal wal inhiraf. Fa yuhfad mitl hadha al-hadith. Law kana ad-din bil-ra' la kana asfal al-khuf awla bil-masah min a'la. Lanna ce hadith Ali, il te servira pour démontrer que les textes ça passe avant la vie de un tel et un tel. والله تعالى أعلم. وربنا نتمس الآن المس على ظاهر الخفين تسوي لدسو دي خفين. قال وصح عند أبي داود وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم سرية أي un groupe pour faire le jihad فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها الإجماع أن المسح لمشروع يكون حاجة مثلا لفخوة ah, si tu enlèves maintenant tes chaussettes ou le khouf et tu laves, il fait très froid. Maintenant tu es en voyage, la nuit. Ah, dans la chèque que c'est autorisé. Lakin, voilà où s'il n'y a pas cette haja, c'est quand même autorisé. Voilà où tu n'as aucune raison. Tu n'as pas envie de les enlever et tu fais le mess, tamam, c'est mes chevaux. Enfin, il ne faut pas croire que le mess, c'est des haja faqat. La haja ou ghayriha, comme a dit le Nawawi. قال حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. نعم حتى celui qui il a mis les chaussettes maintenant et il est couché il a pas marché maintenant il est malade ou autre ou il se repose ou il y a juste là il cite les amtila la femme maintenant elle reste chez elle la haja قول là elle fait pas le masque parce qu'elle est restée chez elle elle est pas sortie là celui qui met des chaussettes ou le khuffayn, il a un jour pour le mokhin, trois jours pour le voyageur. Il a une haja ou il n'a pas de haja, c'est mashrou. قال وإنما أنكرت الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم نعم لا يعتد بخلافهم سيدي ضلال page 199 il y a des مسائل في الكيفية تحت حديث حديث numéro 56 من البلوغ il a cité le hadith que le sheikh il a cité dans la رسالة عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن قال مسألة وهي الثانية كم هو القدر المجزي في المسح et ça c'est مهم est-ce que tu dois essuyer tout ton pied قال أبو عبد الله وفقه الله لم يأتي نص صحيح في تقدير القدر المجزي من المسح on n'a pas de دليل un نص أنه il faut essuyer trois doigts, quatre doigts, la moitié. On n'a pas de nas fi hada. On a un dalil anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il a essuyé ala zahir al qadam. Fa ta'ayyana al-iktifa bima yutlaq alayhi al-mas'h. C'est pour ça que même fi mas'alat al-ra's, vous vous rappelez, on avait vu un qawl Shafi'i il était qawi. Yanna nabi sallallahu alayhi wa sallam mas'a ala ra'si. Et si tu fais même une petite partie et ça s'appelle mas'h, fa fi al-haqiqa tu comptes fi aw yujzi dhalik. Et huna nafs al-shay. C'est pour ça que qawl Shafi'i il est qawi comme qal huna. قال بما يطلق عليه المسح وهو قول الشافعي ومن معه فهو الراجح والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الان si tu fais qu'une petite partie مثلا tu fais هكذا tu fais pas tout de là à là tu fais مثلا واحد يفعل هكذا ça s'appelle مسح في اللغه il rentre في الحديث قال مساله الرابعه المسح على العقب ويل للعقاب من النار vous rappelez ce hadith العقب les talons قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح أسفله لأنه ليس بمحل لفرض المسح فهو كأسفله نعم سعون طاف المسح واحد مثلا يسوي لدسو دي خف اي لطالون هكذا لا النبي صلى الله عليه وسلم يدافع على الظاهر وفي على الظاهر أما أسفل اي لطالون هذا سعون طاف المسح والله أعلم Donc, maintenant, on a avec ces masa'il et ces adillas, on a une kayfiyya tayyib. Kadalik, ils n'ont pas cité masa'ala les deux pieds en même temps. Ils l'ont cité huna tamam. Ou est-ce qu'on fait la droite, le pied droit, on met le pied gauche? Il n'a pas cité. On la verra demain, bi'idhnillah, si on la trouve dans un autre kitab. Et le ma'rouf, le majhour, c'est de faire les deux en même temps. Lakin, on veut kalam ahl al-ilm. قبل ذلك دي أدلة سيئة إن شاء الله الله شخشوها دماء إلا سي الشيخ إلا سيتي ومن انتبهنا قال الشيخ حفظه الله ما هي الطهارة التي من لبس خفيه بعدها شرع له المس على خفيه نحن سكونا ببي أن في الحدث الأصغر أما الأكبر جنابة أو حيض فالغسل لا يوجد مسح مع الغسل أما الحدث الأصغر نعم نعم 24 heures أو un jour et une nuit pour le مقيم et 3 jours et 3 nuits pour le مسافر قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمس عليهما الحدث الأصغر الحدث الأصغر وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسول الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر قلت وإذا أحدث في هذا الحال له أن يمس على خفيه لأنه أدخل رجليه طاهرتين ولم يدخلهما على طهارة Est-ce que pour faire le masah t'es obligé de mettre les chaussettes ou les chaussettes الآن après avoir lavé les deux pieds واحد في الوضوء Il a lavé ses pieds, il a lavé les deux pieds. Thomas, après l'eau d'eau, il met ses chaussettes maintenant. Thomas, il perd l'eau d'eau. Khalas, ahada, bilijma', annahu, il peut faire le mas. Mas al-an, il lave son pied droit, il met sa chaussette droite. La haqiqa, il a pas mis le khuf droit, ou la chaussette droite, et les deux pieds sont à la taharatay. Il n'a pas encore lavé le pied gauche. Thomas, Amma, il lave le pied gauche, il met. Il y a une différence. Amma, quand tu as fini le dos, tu as fini les pieds, tu mets les deux, là, ishkal. Al-ishkal, il met la chaussette droite et il n'a pas lavé le pied gauche. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fa'inni al-an, ba'dhum, ils vont dire, il faut laver les deux pieds, thumma, tu mets le khuf. Les deux, ou les chaussettes. Wa ida ahdatha bi hadha al-hal, lahu an yamsah. Na'am. Amma, Sheikh, il voit qu'il y a kfi. Si tu laves le pied droit, Thomas tu mets ta chaussette droite, Thomas tu laves le pied gauche, tu mets ta chaussette gauche, anna al-rajih c'est que tu peux. Et c'est le qawl sahih. Naqra min al-fath, safhat 194, page 194. Qala mas'ala, c'est la numéro 5. Qala idha labisa khuffahu al-yumna ba'd ghasl rijlihi. Al-yumna, qabla ghasli rijlihi al-yusra. ثم غسل اليسرى ولبس الخف. Vous avez compris sourate al-mas'ala. Amma, tu fais le dos, tu te laves les deux pieds. Thumma, tu mets tes chaussettes ou le khuffayn. Hala ishkal fi. Da'uma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Al-ishkal al-an, ba'dhum islab le pied droit, il met la chaussette. Il n'a pas lavé le pied gauche là. Il a mis la chaussette droite alors que ses deux pieds n'étaient pas à la tahara. Wa ba'd ulama al-an, ils vont dire là. بعضهم يبون دير لا بأس. قال ذهب أحمد والشافعي وإسحاق وحكي عن مالك أنه لا يجوز له المس على الخفين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين. النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة لدو جميع الخفين إجتع على طهارة أي لدو بي إلى فيني لودو. أما هذا إلى مي لبي دغوا فقط لبي غوش ستبا فيني. قال الحافظ أي ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح فتح الباري لم يبح لها المسع عند الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لمدخل أن سمشروع المسع لأنه إلى مي الخفين لتع على الطهارة سنقلب لدوبي فهم الآن يديز أن البي غوش لا بيت رافي إلى مي le khouf droit alors qu'il n'a pas lavé le pied gauche. Fa'innahum, ils disent là, il n'y a pas de masih dans ce cas. Qalu fa'alayhi an yakhla' al-khouf al-yumna thumma yalbasuha marratan ukhra ba'd tamam taharatihi. عندهم celui qui a fait ça, il enlève la chaussette droite ou le khouf droit, il se lave le pied gauche, thumma yamil les deux. Thumma yushra' lahu al-masih. Hadha saqaw. Qalu wa dhahaba ashabu ar-ra'i ay Abu Hanifa ومن معه ورواية عن أحمد ورجحه ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى رحمهم الله إلى جواز المسح لأنه قد أدخل كل واحدة من قدميه بعد غسلها. هذا القول الصحيح لأن في الحقيقة il s'est lavé le pied droit, il a mis la chaussette droite. Il s'est lavé le pied gauche, il a mis la chaussette gauche. في الحقيقة il a mis les deux à la tahara. قول إلى أقرب يا شيخ الإسلام إلى كلام طويل إلى رجع هذا القول. في الحقيقة pour ces quartiers du khilaf comme on explique souvent, أن lave-toi les pieds et enfile les chaussettes ou le khuffain à la fin. أحسن. لأن celui qui fait qu'il les met à la fin, بالإجماع. Il y a pas d'ishkal. أما celui qui lave le pied droit, ثم il met sa chaussette droite. ثم il lave le pied gauche, ثم la chaussette gauche. Il y a هذا الخلاف. Enfin pour ces quartiers, أحسن. On porte les chaussettes ou le khuffain à la fin, ahsan. Pour s'écarter du khilaf, et inshallah, t'as aucun doute via dal-hal. Et le qawl al-aqrab, c'est qawl sur l'islam. Même celui qui se lave le pied droit et il enfile directement sa chaussette, tombe le pied gauche, il le lave et il met, à la haqiqa, il a rentré, ou il a enfilé cette chaussette ou ce khuff, et il était à la tahara. Wallahu a'lam. Donc, al-khulasa, celui qui lave son pied droit, tombe il met al-khuff droit, ثم يسلاف لبي غوش ثم يميل خوف غوش هذا في الحقيقة يبفغ المسح قول الصحيح قول شغل الإسلام. Et pour s'écarter du khilaf, si on attend à la fin, inshallah طيب, il n'y a aucun إشكال si on attend à la fin. قال وقد نقل, on revient à رسالة الشيخ, وقد نقل ابن المنذر في الأوسط عن يحيى بن آدم وأبي ثور وأصحاب الرأي والمزني وبعض الشافعية قال وأجمع كل من أحفظ عنه. فهذا كلام ابن المنذر. من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين فهذا مهم ممن يقول بالتحديد on a vu بعض العلماء il n'y a pas de tahdid pour eux tant qu'il a le khuf il fait le masih même si c'est 10 jours on a vu c'est un qawl il est marjouh al-sahih on avait vu c'est appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam بالتحديد un jour et une nuit pour le résident 3 jours et 3 nuits pour le voyageur لكن بعضهم لا يقول بهذا c'est pour ça qu'Ibn al-Mundir هنا قال ممن يقول بالتحديد ceux qui limitent هذا صحيح قال واجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم مما يقول بالتحديد في المسح على الخفين على ان من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه ان كان مسح يوما وليله مسافرا مساله voyageur il en voyage واحد il a dépassé ça fait plus d'un jour qu'il fait le masah et il est en voyage il revient muqim في هذا الحال قال ابن المنذر يفبل المسح إن عليه الخفين لماذا لأن il est redevenu مقيم il a dépassé la limite ça revient à la masala qu'on a eu سورة المسألة الآن واحد il est en voyage ça fait plus d'un jour ثم il revient il est مقيم الآن est-ce que il reste et il fait le masah 3 jours et 3 nuits parce qu'il était مسافر ou il reprend le حكم du مقيم il a que 24 heures c'est ça la masala الآن قال ثم قدم فأقام له أن له مال المقيم ابن المنذر يقول أن له مال المقيم et il rapporte l'ijma des savants qu'il a rencontrés ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas khilaf انتبهوا فلهذا قال وأجمع كل من أحفظ عن أي tous les savants qu'il a pris l'ilm عنهم c'est ça leur fatwa أنه il revient حكم المقيم قال وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة il était في سفر لكن son safar il a duré moins d'un jour et moins d'une nuit قال مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة هذا il n'y a pas d'ishkal maintenant واحد il est en voyage maintenant pendant 10 heures حقيقة quand il a fait le voyage il a 3 jours et 3 nuits لكن son voyage il a duré 10 heures il revient مقيم هذا il n'y a pas d'ishkal la durée elle n'a pas dépassé la durée du مقيم donc il a eu un voyage de 10 heures حقيقة il lui reste encore il finit la journée et la nuit هذا لا إشكال واضح الإشكال c'est si il dépasse la journée et la nuit maintenant il a voyagé pendant deux jours il revient فالحقيقة si il reste en voyage il lui reste un jour لأن الوياجور c'est trois jours et trois nuits si il revient résident il a dépassé la limite d'un jour c'est là l'إشكال est-ce qu'il a le حكم du voyageur ou le حكم du مقيم page 205 مسألة numéro 6 نحن on a vu dans le مسألة أن الأصل le voyageur il a trois jours trois nuits الأصل المقيم le résident il a un jour une nuit الآن il y a une مسألة comme on a expliqué si il passe de voyageur à résident ou résident à voyageur est-ce qu'il a le حكم du résident ou du voyageur قال ابن حزم حفظه الله من لبس خفي ثم ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر قبل مضي يوم وليلة il a commencé le مسح il est مقيم مثلا jeudi on est jeudi et c'est bientôt الظهر il fait le مسح الظهر donc il a jusqu'à vendredi au dhuhr. Hada wadih. Jeudi soir il voyage. Donc il a commencé le masah jeudi au dhuhr. Il a jusqu'à vendredi l'asr. Un jour et une nuit. Al-an jeudi soir il voyage. Est-ce que il fait le masah jusqu'à vendredi même s'il est en voyage ou il prolonge? Il prolonge. Maintenant il va prolonger deux jours et deux nuits. Ça va donner quoi? Jeudi, vendredi un jour au dhuhr. Samedi un autre jour et dimanche un autre jour. Si il prend le qawl annahu il est en voyage, il a jusqu'à dimanche. Si il prend le qawl annahu il reste sur l'asl al-iqama, il a jusqu'à vendredi. C'est ça al-farq al-an. Qala fi al-mas'alati qawlan. Il y a deux qawl, les ulama ikhtalafu. Qala al-awwal annahu yutim 'ala mash al-muqim. Premier qawl annahu même s'il voyage jeudi soir, il doit faire le mash jusqu'à vendredi midi. Lana il a commencé le mash jeudi midi, un jour et une nuit. هذا سان قول pour eux العبرة c'est t'as commencé le masah en étant résident tu finis en étant résident même si tu voyages قال أنه يتم على مسح مقيم ثم يخلع نعم quand il a fini il ne peut plus faire le masah il enlève il fait l'eau il remet les chaussettes et s'il en voyage il a 3 jours الثاني قول الثاني أنه يتم على مسح مسافر deuxième قول ils disent Il a commencé donc jeudi à midi. Normalement, il a jusqu'à vendredi midi. Lakin, jeudi soir, il voyage. Dès qu'il voyage, tu prolonges la durée. tu prolonges la durée. لماذا لأنك تمسافر. Et pour eux, t'es musafir, donc c'est une rukhsa, ça te facilite. Tant que t'es musafir, t'as hukm al-musafir, même si au départ t'étais pas musafir. قال لأنه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم ويسمع ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. أن في الحقيقة si tu demandes à ce شخص t'es quoi الآن, il va te dire je suis voyageur. La haqiqa, il rentre fi qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yamsah al-musafir, il est voyageur 3 jours et 3 nuits. هذا القول الى اقرب والله اعلم. القول بان la situation actuelle où tu es, t'as le hukm par rapport à ta situation. T'es musafir, t'as 3 jours 3 nuits. Même si t'as fait safar après avoir fait le mesh en étant muqim, ay 1 jour et 1 nuit. La yadhur. Fa wallahu a'lam, ce qawl il est aqwa. Le deuxième. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه رواية قوية. الشيخ ابن عثيمين il appuie la deuxième رواية d'Imam Ahmed. ومثل هذه الصورة بما إذا دخل عليه الوقت ثم سافر فإن الصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. L'heure de salat elle est rentrée maintenant, le dhuhr. ثم أنت tu voyages après le dhuhr. Si t'as pas fait le dhuhr et t'as voyagé après le dhuhr, فيجوز الجمع الظهر والعصر. Et tu fais rak'atayn. ثم سافر فإن الصحيح أنه يصلي صلاة مسافر تمام. ومثل هذه الصورة بما إذا دخل عليه الوقت ثم سافر صعيف هذا الوقت الظهر الغنطر يفعل أدان أنت خلاص تبخي أبوياجي تو فوياج فتو بو كمباري أنوت مثلا وزع على الخفين إلي مقيم إلى في المسح ثم يفوياج إلى حكم جو فوياجا كم ونادوني حكم جو فوياجا قول مصلي قول شغل نتيمين إلى الطيب. قال والراجح قول الشيخ محمد بن حزام. قال والراجح والله أعلم هو القول الأول. الشيخ محمد بن حزام يرجح القول الأول. أولا خلاف لقوي كم فوي قول الشيخ بن عثيمين إلى تمام. فالذي يظهر والله تعالى أعلم سك القول الثاني إلى أقرب. قال وهو القول الأول لأن الرخصة بثلاثة أيام ولياليهن جاءت للمسافر خالصا. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ويمسح المسافر. Ce musulman là, il a commencé à le masser, il était muqim, ثم il a safar, la haqiqa il rentre في hadith wa yamsah al musafir. قال لا لمن جمع بين الإقامة والسفر. فسورة المسألة لا يشملها الحديث بل تشملها comme il a montré l'imam Ahmed et Cheikh Ibn Uthaymeen. Il y a aucun mani wa yamsah al musafir, il est musafir, فلا مانع. قال فسورة المسألة لا يشملها الحديث وتحتاج الى دليل للحاقه بحكم المسافر. بل إذا مسافر هو الواقع يمضح كلي مسافر فبوركوا أن يبقى لفق رنطري في الحديث كم ونفق فيك المصلي فلا إشكال الخلاف القوي في هذا فلا ينكر سلوك شوازي القول أول لا ينكر عليه السلوك شوازي القول الثاني لا ينكر عليه تعلمون الناس مسائل الخلاف فيها إلى سائغ حتى الترجيح سي كومبليكي لكن يشوازي القول لبلو قد دليل لبقى ولا ينكر على أخيه. العكس الآن إذا مسع مسافر ثم قدم فأقام إلى مسافر donc il a 3 jours 3 nuits ثم il redevient résident. Est-ce qu'il continue le masah 3 jours 3 nuits أو c'est limité à 1 jour et 1 nuit. قال أبو محمد بن قدامة رحمة الله عليه المغني وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. أما si son voyage مثلا c'était moins d'un jour et moins d'une nuit. Maintenant, c'est un voyage de 6 heures, de 10 heures. Il revient à Muqim, il finit les 24 heures, là, Ishkal. Qala, wa idha masaha musafirun yawman wa layla fa sa'idan. Il dépasse la limite du résident, il est là, l'Ishkal. Et il redevient résident. Est-ce qu'il continue les 3 jours du voyageur, ou il arrête? Qala, thumma aqam, aw qadima khala, wa hadha qawl al-shafi'i, wa ashab al-ra'i, wa la a'lam fihi mukhalifan, li'annahu sara muqiman, lam yajuz lahu an yamsah masaha musafir. أما هذا ابن قدامة رحمة الله عليه إلى سيتيكا بات خلاف et vous allez voir qu'il y a un خلاف لكن ابن حزم إلى خالف عامة أهل العلم. Donc si voyageur مثلا ça fait plus d'un jour un jour ou plus d'un jour comment il redevient مقيم في هذا الحال quand il arrive il fait plus le mess قول عامة أهل العلم. قال أبو عبد الله وفقه الله هذا القول هو الصحيح وإن كان قد وجد خلاف فقد خالف ابن حزم في المحلى والمزني كما في شرح المهذب. فاندي با الاجماع فاندي با اجماع في هذا يا با اجماع لكن قول عامه اهل العلم. اون ريكابيتول سي لي مقيم ثم اي فواياج ففي الحقيقة يبخون حكم دو voyageur لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولا يليهن إلوي المسافر قول الصحيح. Deuxième cas, il est musafir et il redevient muqim. Si c'est un safar en dessous d'un jour et une nuit, il continue, il finit le jour et la nuit. Ma'rouf, il est résident. Si c'est plus d'un jour et d'une et une nuit, il arrête. Il arrête, liannahu, il est muqim et il n'a pas le droit de dépasser un jour et une nuit. Hada, wallahu ta'ala, a'lam. Demain, bi'inillah, nakmil hadi al-masail. Subhanak, lahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.